Ça vous fait rire ? Vous n'avez pas honte ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Et vous trouvez ça drôle vraiment ? Podcast cinéma qui parle des comédies françaises et qui essaye de répondre à cette épineuse question de savoir si on trouve ça drôle vraiment. Je suis Thomas et dans cette épineuse tâche, je serai accompagné de mon compère Flo. Salut Flo. Salut Tom. J'ai envie de spoiler la réponse tout de suite. J'ai envie de me débarrasser de ce truc-là directement. Oui. Mais de jeter. De débarrasser d'un poids. Ah, j'ai comme une épée de Damoclès au-dessus de ma gueule. Je suis pas bien. Ouais, tu. Est-ce que t'as trouvé ça drôle vraiment 4-0? Vraiment directement? Ouais, cash, allez, on y va. Divulgachage direct et on va expliquer pourquoi après. Non, c'était nul à chier. Mais c'est clair, qu'est-ce que c'était nul, putain. Et en plus, il y a rien, il y a quasiment pas d'histoire. Il y a pas de mixage son, c'est dégueulasse. Je te jure, j'étais en train de jouer avec la télécommande pour le son, parce que il y avait les enfants qui dormaient en haut, et j'étais, attends, je monte un peu le son, j'entends rien, et là, scène de stade, ah merde, attends, faut que je baisse le son. Ah non, scène dans des loges, ah, je remonte le son, ah non, attends, je rebaisse le son parce qu'il y a Didier Bourdon qui gueule. Ah non, attends, je remonte le son, c'est Gérard Lanvin qui parle. Insupportable! Insupportable! Je pense que on va leur coller la bande-annonce là dans les oreilles juste pour leur plus grand bonheur. Là c'est cadeau. Il menace de saisir la plancha. Imagine un peu le symbole pour le Churrasco. Si seulement on avait ouvert un bar à chicha comme j'avais dit depuis le début. Papa, j'ai mis la main sur une pépite. Et tu l'as trouvée où ta pépite? C'est vrai qu'il a un petit quelque chose hein, le gamin. Tu sais qui donne? Avec nous, t'auras une famille. Les Pinto. Les requins sont déjà là, hein, ça rôde. Hein. Le mec là, c'est DZ. C'est le plus grand agent du foot français. Un tueur, le mec. Manu a découvert un super joueur. On voudrait que tu nous aides à lui trouver un club. Choqué pour ton frère. Mais t'as un commentaire sur mon resto. C'est toi le fils Pinto? Comment vous m'avez reconnu? Bah t'es le seul à pas avoir de blas sur ta tablette. Ah, la tombola du couillon, il a gagné le gros lot, lui, hein. Ça vous a pas plu? Et c'est dans le bâtiment, non? Non, pourquoi? Pour rien. Et toi, t'es qui? Moi, je suis le mec qui a bouffé le pangolin, t'as vu la suite? Alors je te conseille de pas rester dans le coin, d'accord? Et toi, va compter tes choses, ça t'occupera. Le football, il a changé, monsieur Colonna. Oh, frérot. On est là, frérot. Ok, frérot. Dis-moi, c'est quoi cette famille de frérot? Il y a une portée ou quoi? Ouais. Je vais faire venir un ami qui est pas vraiment de la génération, frérot, hein. Monsieur Giroud. Oh, sérieux, c'est une blague, là? Bon, écoute, si c'est pour dénigrer tout ce que je fais, on arrête tout, d'accord? Ça te dirait de changer de vie, José? Et j'aimerais que tu te fasses passer pour le directeur de foot d'un club. Sylvie, j'ai envie que tu m'admires à nouveau. Oh, ça dit quoi? J'ai fait un beau gosse. C'est une histoire hors norme. Petit pas! J'y ai pris goût, moi, au foot business. On a pris un coup, le maillot, là. Ah, c'est la machine. Je t'en donnerai un autre, de toute façon. Merci, frérot, t'es un vrai. Merci, frère. Tu peux me passer ton slip aussi? Arrête aussi, t'abuses. Honnêtement, j'ai plus aucun espoir dans Fabien Antoniente, on va pas se mentir. Mais j'en avais pas, moi, non plus. Ouais, non, mais je me disais, ça va peut-être un petit peu tenir la route, quand même. Et puis, non, quoi. Alors, on va repartir rapido sur sa fiche technique. Ouais, mais ça et commence. Fabien Antoniente, il a fait pas mal de films. Et on va les repasser, parce qu'il en a pas fait tant que ça, finalement. Et à la vitesse d'un cheval au galop, Tom est tout seul, greffe partie, jet set, 3-0. À la vitesse d'un cheval au galop. Produit par Smaïn, ben déjà, ça commence ouais. Là, les gars. Camping. Il a fait la trilogie Camping, Disco, Turf, All Inclusive et 4-0. Avant qu'on commence, tout à l'heure, je te disais, comment il y a un truc que j'ai remarqué sur la filmographie de Fabien Antoniente. Ouais. Eh ben, à part À la vitesse d'un cheval au galop et Tom est tout seul, je les ai tous vus. Oh waouh! Même Greffe Partie? J'ai même vu Grève Party, et je vais te dire, Grève Party, Jet Set 3-0, People, Jet Set 2, Camping, Disco, Camping 2, je m'arrête là, je les ai vus au cinéma. J'ai payé ma place pour voir tous ces films. Mais déjà, Grève Party, tu vois déjà Daniel Rousseau, tu fais, c'est bien sûr, c'est non déjà. Ouais, alors, je m'en souviens, en plus, Grève Party, je m'en souviens comme si c'était hier. Ah, je vais raconter un peu ma life, mais c'est pas grave. Vas-y. J'étais de retour à Nantes pour un week-end parce que j'étais en convalescence, je m'étais fait opérer du genou, donc j'étais dans un centre de rééducation. Mmh. Et on avait le droit, à partir de la deuxième ou troisième semaine, si le médecin était d'accord, tu pouvais rentrer chez toi le week-end, comme quand t'es en pensionnat, tu vois. Ah, okay. Voilà, pour souffler un peu. Et comme le cinoche me manquait quand même beaucoup, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas tout oui, ça, quoi, ça, tu vois. Donc, le week-end où je rentre, je me fais deux films le samedi et deux films le dimanche, au Gaumont-Nantes. Waouh. À l'époque, c'était 12 francs. Ouais, à l'époque, c'était peut-être c'était 17 abordable encore. C'était peut-être 17 ou 18 francs. Ouais, en tout cas, c'était abordable encore. Mais c'est une époque où je bouffais du cinéma alors que la carte illimitée n'existait pas. Et je pense qu'ils auraient perdu du pognon avec moi à ce moment-là s'il y avait eu la carte illimitée, c'est clair. Et je vais voir ça, c'est le premier film du week-end que je vais voir, le samedi après-midi, Grève Party et tout. Ah, ça commence bien. Je vais voir ça, ouais. Et en fait, je finis la séance, je redescends, donc je sors du cinoche dans la rue, je refais le tour, et je re-rentre dans le cinoche pour aller voir un deuxième film. Et donc, il y a le même mec au guichet d'entrée qui fait « Vous n'êtes pas rentré tout à l'heure, vous ?» Je dis « Si, si, je viens d'aller voir Grève Party. » Il me regarde, il fait « Ah, c'était comment ?» Et je le regarde, je fais « Je comprends pas ce que le réalisateur a voulu nous raconter. » Il fait « Ah, merde !» Il me dit « Ah, moi qui voulais le voir ?» Je dis, vous paierez probablement pas la séance, donc allez-y, faites-vous plaisir. Mais je dis, mais moi, j'ai toujours pas compris ce qu'il voulait nous raconter, quoi. La Grève Party, c'est compliqué. Waouh, mais je comprends rien du tout, même sur le synopsis, c'est fou. Puis sur le Wikipédia du synopsis, je... C'est des mecs qui passent leur journée dans une librairie, je crois. Ouais. Il y a une manif qui passe pas très loin. Ils passent leur temps à parler. Il y en a un qui ressort une banderole. Ça n'a ni queue ni tête. C'est nul à yèche. Mais ouais, effectivement. Alors moi, Grève Party, je l'ai pas vu. Mais tous les autres, de Jet Set jusqu'à Camping 2, Turf, je l'ai pas vu. Et après, Camping 3 jusqu'à 4-0, je les ai tous vus. Putain, le nom. Il en a pas fait beaucoup, mais on les a tous vus. C'est ça le... Putain, c'est ouf, hein. C'est ça le truc. Et il n'y a pas grand-chose de bien, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est pas qu'il n'y a pas grand-chose de bien, c'est qu'il n'y a potentiellement rien de bien. Non. Enfin, clairement, je vois pas ce qui pourrait ressortir du lot, ce qu'on pourrait sauver. C'est peut-être, je sais pas, même Jet Set, non ? Mais non. Non, même Jet Set. Alors, désolé, hein, quand on en a discuté un petit peu sur le Discord, puisque oui, on a un Discord avec « Et vous trouvez ça drôle vraiment ?»,« Date de sortie »,« Coach Lobster »,« Lampe de la peur », etc. Et on nous a dit « Ah bah non, quand même, Jet Set, il était bien, vous confondez sûrement avec Jet Set 2 ». Non, les deux. Non, hein, non. Les deux, vraiment, sont nuls. Les deux sont pas bien. On confirme. Hein. Ouais, Jet Set 2, il y a quand même Mélissé Moon avec le noix de coco. Voilà, ça me restera. Mais ouais, effectivement, Fabien Antoniente... C'est peut-être le seul truc qui m'a fait sourire hein, dans Jet Set 2. Ben voilà. C'est quand l'autre, il craque les noix avec ses fesses et Kenny Simon dit « Eh ben, heureusement qu'ils n'ont pas mis les noix de coco. » mais autrement... Mais là, si on revient sur 4-0, là, donc... Ouais. Scénario, Fabien Antoniente... Et Antonin Fourlon, et voilà, qu'on a déjà vu. On est dans une économie circulaire, c'est incroyable ce qui nous arrive. Mais je pense qu'on est en train de tisser une grande carte du cinéma, de la comédie française, et en fait on voit que, quel que soit l'endroit où on aille, c'est lié, et il y a au moins un mec en commun dans le truc. Il n'y a pas de nouveau, même quand il y a des petits nouveaux machin, il y a forcément un mec qui sera producteur exécutif. On ramène un ancien, ouais, qui ouais. Qui sera Fabien Antoniente ou machin. Enfin, tu fais mais non, mais les gars, c'est pas possible. Donc ouais, non, c'est compliqué, c'est compliqué. Je pense que la comédie française, c'est un petit monde. C'est, tu vois, on parle de l'entre-soi ouais, du putain, cinéma, mais la comédie française, ouais, mais là, ah, ça se pose là. Hein. Ouais, c'est clair. Parlons chiffres. budget de plus de 10 millions d'euros. Ça méritait. Ça méritait. Alors j'espère quand même qu'ils sont... a priori, ils se sont fait prêter le Parc des Princes et le PSG les a accueillis là dans leur nouveau centre d'entraînement. Voilà, c'est à mon avis contre, c'est pas contre espèces sonnantes et trébuchantes, mais pour qu'on voit bien en gros les logos, tout ça machin. Ouais, et mais puis les maillots. Pourquoi vous avez fait les ça, maillots avec quelques sponsors? Bah, maillot avec quelques sponsors. Tu sais, le comment Qatar Airways ou les trucs comme ça, ça voilà, ça permet d'être, ça permet de les montrer quoi. Ouais, oui, oui, c'est vrai. Voilà. Après, je me demande comment il est venu vendre ça parce qu'en 2002, le PSG avait pas été racheté encore. Le ouais, mec, mais c'est pas le même. Voilà, c'est pour ça qu'il est allé voir les ça, nouveaux proprios. C'est pas les mêmes. Mais oui. Il est venu dire bonjour, c'est Fabien. On se remet ou pas? Vous avez changé, vous avez fait de la chirurgie? Non, on n'est pas les mêmes. Ah, là, je me disais, du coup, 4-0, j'ai une idée. Bah, pourquoi? Et le nombre de footballeurs qui apparaît dedans et allez. Ah, mais on va y venir. On va y venir, c'est incroyable. Il est resté 6 semaines en salle. C'est pas beaucoup, hein. Non. Pour un total de 361 000 entrées. Bravo. Donc, c'est une merde. C'est un bide ah, total. Bah oui. Mais on va en reparler tout au long du truc. C'est mérité. Hein. Enfin, voilà. Il n'y a pas. Je pense qu'il y a eu un bouche à oreille de merde et voilà. Et tout s'explique. Voilà. À la distrib, on a. Il y a eu du bouche à oreille. C'est ça déjà. Ouais. On a des anciens du premier film qui sont là, Gérard Lanvin et Isabelle Lanty notamment. Ouais. D'autres qui n'ont pas repiqué et donc bah ils sont allés chercher Didier Bourdon évidemment et c'est l'occasion pour nous de démarrer une activité parallèle à et vous trouvez ça drôle vraiment qui est le Bourdon Bourbon. Voilà, où chaque fois que nous parlerons d'un film avec Didier Bourdon, on s'empressera évidemment de vous inciter vous aussi lors de l'écoute à vous verser un bourbon et à le déguster tranquillement pendant que vous nous écoutez raconter nos conneries. On pense à Gravelax, bien évidemment. On pense à Gravelax, évidemment, qui est le père de cette initiative heureuse. Et on vous en réserve une autre, évidemment, pour le Christian Clavierverse, hein, évidemment. Ah oui, bien sûr. Paul Deby, sa tête me parlait un petit peu, mais ouais, je ne connaissais pas plus que ça. Je voyais, enfin, j'avais vu sa tête popper à deux trois endroits, mais voilà, sans plus. Caris, qui est là. Alors, comme Booba n'était pas là, ils n'ont pas pu se battre dans le film, mais voilà. Mais bon, lui, il a un bon rôle de FDP qui lui colle comme un gant. C'est magnifique. C'est fou. Ouais, Mamadou Haïdara qui joue le petit prodige. Stomy Bugsy aussi qui a repiqué. Mamadou Haïdara. Tamara Marthe. Voilà. Moi j'ai vu Tamara Marthe, je ne disais rien. Et en plus quand j'ai regardé le film, je l'ai même pas reconnu. Enfin bref, Shaim, voilà, et qui, comme beaucoup de chanteuses, s'essaye à l'acting et à la comédie. Et qui, là, joue le rôle de la fille d'un ancien agent qui, dans le premier film, je crois avoir vu que c'était... Était joué par Gérard Darmon. Effectivement. Voilà. Et puis, bah, comme tu le disais, une litanie de caméos du monde du football qui apparaissent dedans. Insupportable. Roland Courbis, Giroud, Rai, Paul Pogba, Kimpembe, Marquinhos, Jean-Pierre Papin. Il y en a de partout. Jean-Jacques Amsalem aussi. Ouais. Des apparitions plus ou moins courtes, ouais, tout à fait. Ouais. Enfin, ouais, il y a plein de... Attends, il y en avait un autre. Il y a celui qui pète aussi des télés, là, je sais pas quoi, Mohamed Henni, qui est un influenceur qui est un influenceur de merde. Hein. Si tu nous écoutes, je t'emmerde pareil. Mais en fait, lui, son délire, il est connu parce que dès qu'il y a un match de l'OM, comme il est fan de l'OM et que l'OM perd, il pète une télé de manière différente à chaque fois. Ouais, voilà. C'est intéressant. Pas tellement. Mais c'est super intéressant. Bah alors. Donc ouais, c'est pas. Et comment, bah tiens, tu parlais de Jean-Jacques Amsalem, qui est un réalisateur de rencontres sportives. Et je cherchais, j'ai pas trouvé beaucoup d'anecdotes, mais celle-là, je l'ai trouvée assez croustillante, puisque bah, pour tourner des scènes de foot, Fabio Antoniente a beaucoup regardé la manière dont le sport est filmé à la télévision, et il a déclaré « En fait, c'est assez basique, je pensais que c'était plus sophistiqué que ça, ensuite j'ai vu comment je pouvais apporter un plus et personnaliser une action ». Alors, garçon, comment te dire Fais déjà de bons films et après on en reparle. Ouais. Déjà. Et puis, les scènes de foot, le peu de scènes de foot qu'on voit dans le film, mais elles sont d'une platitude. Mais t'as l'impression qu'il court à deux à l'heure. Enfin, que c'est fait n'importe comment. Et j'en parlais quand on... Ah bah non, on n'a pas... est-ce qu'on a parlé d'Anoula Victoire? Je ne sais, non, je suis un peu décalé dans mon date de sortie verse. Vous avez dû en parler. Vous avez dû en parler, mais moi, c'était l'épisode où je n'étais. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est toi l'épisode où t'étais pas là. Oui. Oui, effectivement. Et je disais dans Anoula Victoire que le sport au cinéma en général est toujours très mal filmé. Ah oui. Peut-être à l'exception de la boxe. Mais c'est vrai que dans Anoula Victoire, il était pas... Ah, le match de foot ben, on dirait des papis de 60 ans jouent un match de division régionale le dimanche matin. Hein. C'est ça, et qui ont encore 3 grammes dans le sang. aussi, ouais. Mais là, après, c'est aussi, ça se voit aussi dans 4-0, où c'est ni fait ni à faire, comme tu disais. Il y a une feinte, il passe, et tu fais... Oui, mais en fait, juste, tu suis la caméra, c'est juste que... T'es en plan large et du coup tu vois un petit peu tout le terrain. Oui, forcément, tu vois. Enfin, tu n'as pas révolutionné le monde du foot, Fabien. Calme-toi. Non, clairement pas. Voilà. Le contraire même. Alors, est-ce que oui, on va pitcher le film quand même. Hein. On va pas. Pitch le film. C'est basique. C'est basiquement simple, hein, puisque le personnage joué par Isabelle Nanty a un beau-fils adoptif, on va dire, celui de José Pinto Bourdon, voilà. Et qui se prend à rêver d'être un agent de joueur. Parce que bah tu sais hein, lui j'aurais pu devenir pro mais elle est croisée hein, tu connais, voilà. Et puis cette blague qui est sur un t-shirt, évidemment ils se sont empressés de la reprendre dans le film. Il y a hein, cette blague évidemment. Et puis et oui mais attends voilà. Moi j'entends tout, oui. je vois tout. Si tu l'as pas bien compris, on te la resserre. Même, hein, mais ouais. Regardez ouais. Le film quand même pour voir, parce que quand il dit j'entends tout, en fait il montre son nez, donc c'est pas du tout le bon truc. Et quand il dit je vois tout, il fait avec ses oreilles, donc tu fais ah oui d'accord, c'est maintenant, c'est drôle. C'est ouais, voilà. Et donc il veut être agent de joueur, et comme un jour il a repéré la pépite, hein, ce que dans Est-ce les banlieues qu'on parle on appelle le projet Mbappé, de la façon de repérer. Alors on va y venir. Ok, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup, de choses à dire parce là-dessus. Parce que c'est pareil, le projet Mbappé, tu fais arrêtez avec ça. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous n'êtes que des parents frustrés. Arrêtez. Les parents qui écoutent des agents. Déjà, le mec, il a la dégaine, il a une vieille douille, il a un maillot du PSG qui date des années 2000, 90 même, 90, fin 90, 2000. Il vient parler à des gamins qui ont 12 piges avec leurs parents et leur promet monts et merveilles. Tu fais mais les parents, mais qui êtes-vous pour faire ça? Arrêtez! N'écoutez pas, vraiment, bande de connards. On devrait vous retirer vos enfants. Vous... Écoutez-moi bien, là. Ouais, pareil, comme Mohamed Henni, si vous êtes des parents et que vous avez un enfant qui joue au foot et que vous voulez absolument le faire percer, allez bien vous faire foutre, bande de salopes. Voilà, je suis désolé. Faut que ça sorte. Le talent... À un moment, le talent, il est repéré. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin des parasites qui traînent autour des terrains. Oui, mais les parasites, c'est les parents, donc c'est dommage. Voilà. Oui. Bah oui, de plus en plus. Mais si les éducateurs voient un truc, t'inquiète pas, ils en parlent entre eux. Et après, de ils toute façon, dans les tournois, les clubs plus huppés, ils viennent en parler. Voilà. Ne vous mêlez pas. Mais oui. Non. Ne vous mêlez pas d'un sport que vous ne comprenez pas de base. C'est pas parce que tu regardes le PSG à la télé et que tu regardes des matchs de Champions League que tu t'y connais en foot, Marcel. Donc non, arrête. Clairement. Et donc, Isabelle Nanty rappelle son frère, donc, qui est joué par Gérard Lanvin, parce que lui était agent de joueur, pour essayer de driver un petit peu le mec. Et puis, évidemment, ça se passe pas bien. Ce qui... Oh! Mais est exactement le scénario de 3-0. Mais donc, non. C'est. Mais ouf. Tu déconnes. Mais oui. Donc, tu veux dire que Paul Deby, c'est un Samuel Le Bihan Wish? Oh non. C'est ça. Oh non. Tout à fait. Oh, c'est incroyable. Et que, comme il n'y a pas Oscar Marbello, on va chercher, Caris. Non, maintenant sa fille essaye peut-être un petit peu de racheter une conscience à la famille. Mais non, on prend un bon un bon mec aux airs mafieux pour essayer d'aller enculer tout le monde avec des avocats véreux et essayer autres, d'enculer tout le monde. On est quand même sur un échange d'SMS avec Manu où ça s'envoie des cœurs et tu fais mais oui quoi. J'ai pas compris pourquoi tu lui envoies un cœur. T'inquiète mec, on te fait le virement de 500 euros. Kawaii. Ah, ils s'appellent tous frérot entre eux. Hein. Mais quand t'as un mec qui est pas du sérail qui vient l'appeler frérot, c'est une insulte hein, par contre. Qui s'appelle frérot, à la limite pourquoi pas, mais le mec tu viens de le rencontrer, tu l'appelles beau gosse, tu l'envoies des cœurs directement. Quel est le message, Caris? C'est quoi le projet? Je n'ai pas compris, en fait. Voilà. Qu'est-ce que ce film nous montre? Pas grand-chose de nouveau. Hein, le football, il a changé. Je veux dire, le football, il a changé. Il y a encore plus d'enculés. Oui. Il y a encore plus de pognon. Et tout le monde est pourri. Waouh, dis-nous quelque chose qu'on ne sait pas. Ouais, non mais clairement, je sais pas quelle était l'intention de Toniente en se disant je vais faire une comédie sur le monde du foot en montrant que tout le monde est hyper compétitif et tout le monde c'est des grosses salopes en fait. Non mais le pire c'est que il a déclaré je voulais faire une comédie pour montrer que le football avait changé. Tu montres bien, tu montres que ça a changé et pas en bien parce que déjà il y a 20 ans c'était déjà bien de la merde. Ouais. Mais alors aujourd'hui putain paye ton milieu de bâtard. Donc avant tu voulais montrer que le football il avait changé, que c'était bien. Ah oui d'accord, c'est pour ça qu'ils se mettent tous des bâtons dans les roues. Ah c'est marrant, oui effectivement. Non, jamais, arrête. Ben non. Et puis cette pépite qui est repérée effectivement va passer d'un club petit à un club moyen à un grand club. Oh, mais ne serait-ce pas là le scénario de 3-0? Le foot il a vraiment changé, dis donc. Alors je sais pas si le foot a changé, mais la comédie française façon autonomité pas beaucoup. En vrai si dans 3-0 Laurent Deutsch, déjà Laurent, voilà, Laurent Deutsch footballeur, il est fin de la blague. il est repéré en prison, je crois, c'est un truc comme oui. ça. Oui. Ah oui, il est repéré là, en prison. Là le mec, il est Saada Kidane, puisqu'il s'appelle Saada Kidane, il est repéré parce qu'il fait une animation sur un truc hein, avec la présence du grand, du magnifique Carl Olive, ce gros fils d'up. Le mec, ça se voit, il est venu cachetonner, il a dit « Non, mais moi, si je peux me montrer, parce que le foot, je connais un petit peu, et puis je suis une vieille salope. » Il est pas... Il est pas maire ou député? Si, il était maire. Bah, je crois que le film a été tourné à Poissy, et du coup, il était maire de Poissy, donc c'est peut-être pour ça. Et en fait, oui, d'accord, ils ont fait le truc de la lucarne, et du coup, bah, ils le mettent du pied droit et du pied gauche du premier coup. À savoir que un footballeur, même un footballeur pro, potentiellement, il le fait pas forcément du premier coup, mais là, gauche-droite, nickel. Et là, t'as les yeux de tout le monde qui s'écarquillent en disant « Projet Mbappé, on a trouvé la nouvelle pépite. » Mais waouh. Donc, tu mets des ballons dans des vitres et tu es futur Kylian Mbappé. Ouais, ouais. D'accord. Ok. Donc, les recruteurs, voilà, c'est mon message pour vous. Arrêtez de vous faire chier à faire des entraînements. Posez un ballon. Le mec qui met une lucarne, c'est bon, il est chez vous, c'est le futur Mbappé. Enfin voilà, il n'y a pas de... C'est parce qu'il n'y a aucun bagage technique à tirer dans une lucarne, donc c'est ça que je comprends pas, c'est tu cherches une pépite, il tire dans une lucarne, bah oui. C'est comme s'il faisait 15 000 jongles de suite, voilà. Bah oui, c'est ça, c'est ça n'a jamais fait un bon footballeur. Cool, bah ouais, ça veut rien dire. Je vais arrêter. Ouais. Je suis en colère. Mais c'est parce que c'est pareil, la séquence d'après, c'est dans un city stade. Bon, dans des city stades, t'as des niveaux tellement disparates et tout que un mec peut passer pour un génie alors mais que oui. En fait, s'il intègre un vrai club de foot derrière, il sera peut-être juste normal ou moyen quoi. C'est enfin bref. Ça n'a aucun sens, c'est bon, c'est le pitch de départ hein, parce qu'il faut, il faut évidemment un miracle. mais effectivement, s'il fallait que le film s'appuie uniquement sur le caractère footballistique du truc, il y aurait pas grand chose à mettre. Donc, on fait un petit peu de remplissage autour avec le récit basé autour d'une famille plus ou moins dysfonctionnelle hein, portugaise. Voilà. Enfin, dysfonctionnel, parce que Didier Bourdon, hein, tout simplement. Oui. Avec un restaurant à la peine, son fils qui veut... Ouais. Il comprend pas que son fils veut devenir agent. Donc, bah forcément, à un moment donné, ça ne se comprend pas. C'est mal écrit, c'est mal construit. Puis bon, et alors, parlons du jeu de certains. Didier, notre Bourdon Bourbon, il est en... Il est laissé en roue libre. Ah la vache. Total. Aucune direction d'acteur. Incroyable. Mais c'est incroyable. Mais oui, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. Parce que l'avoir laissé chanter du Johnny en faisant l'accent belge dans une soirée. Non, c'est même pas dans une soirée karaoké. Truc. Non. Il chante le Johnny quand il fait semblant d'être ivre en plus avec. Avec l'envin. Ouais. Mais pourquoi faire ça? J'adore quand il fait mourir d'amour enchaîné. Super. Merci Didier. Eh ben elle est bonne, on la garde. Allez, fin de tournage pour tout le monde. Super. Alors, le film a probablement pas été tourné dans l'ordre chronologique parce que c'est très rarement la façon de faire dans le cinéma. Mais ils se sont dit, ils ont dû se dire à un moment. Avec ses talents d'imitateur, on tient quelque chose. Donc on va le faire aussi passer pour un directeur sportif belge quand il va à Reims. Et puis pour un Italien quand il va à Marseille. Et pour un Portugais quand il va voir un joueur pour lui parler d'un truc. Ouais. Mais au secours. Moi je trouvais que les imitations étaient plutôt bien faites. Non. Non, mais c'est... Waouh, tu t'es un dit, enfer. C'est juste... Un enfer. C'est... Quel enfer. C'est pas possible. Et à côté de ça, les autres acteurs, je pense à Isabelle Nanty, à Gérard Lanvin, putain, ils en sont presque réduits à des rôles de faire-valoir où en fait, ils émergent très peu dans le récit, quoi. Bah c'est ça. Après, si t'as Isabelle Nanty qui a son petit arc avec la femme de son équipe, enfin qui fait partie de son équipe féminine, qui est en crush. C'est juste un prétexte pour dire attention, parce que moi on me regarde, donc si tu parles pas avec mon frère, eh ben je te quitte. C'est quoi ce couteau sous la gorge là? C'est quoi cette menace? C'est quoi? Non. Ça n'a aucun sens. Et puis j'ai trouvé quand même des nuances à Gérard Lanvin. Non, c'est faux. Je déconne. Il est toujours pareil. Il fait toujours la gueule et puis c'est toujours. Il dit jamais rien et juste il grogne. Enfin, je sais pas. C'est vrai qu'au gré de sa filmo, ça c'est pas. Ça c'est pas amélioré. Il a le même rôle bougon que dans 3-0 et que dans le premier camping. C'est pareil. Oui, mais bah, justement, c'est ça. Jean-Pierre Bacri le fait mieux, quoi. Oui. Et puis, mais parce que Antoniente doit se dire, en fait, avec la litanie d'acteurs what the fuck qui sont tout autour, qui partent dans tous les sens. En fait, lui il est grumpy, comme dirait Jess. Et donc, en fait, ça va faire un contraste qui va être drôle vis-à-vis des autres. Mais en fait, pas du tout, quoi. Non. Ça... non. Ça ne fonctionne pas. Ben non, très très peu. Donc, je sais pas. Mais bon, après, c'est Gérard Lanvin, hein, on est habitué. Rien que de reparler de ce film, ça m'épuise, en fait, tu vois. C'est... Parce que, je sais pas pour toi, mais le visionnage a été une épreuve. Hein. J'ai repoussé le visionnage. Je l'ai repoussé. Et c'est quand, là, en début de semaine, je me suis dit, putain, c'est vrai, on enregistre ce jour-là, il faut que je regarde, en fait. Faut y aller, hein. Et j'ai regardé ça, je pense que j'avais pris un petit verre avant avec les voisins, on s'était bu un petit apéro, machin, parce que je me suis dit, je vais en avoir besoin. Mm-hmm. Et ben heureusement, parce que, oh la vache, je pense que même si je m'étais pris une cuite, ça me faisait des cuvées direct, là c'est juste pas possible. Ouais, non, il dure 1h40, putain, le ressenti, il est... ça n'avance pas, quoi, C'est ça, tu passes d'une scène à l'autre où c'est du vu-revu par rapport au premier, film. C'est ça. Comment on te saupoudre un petit peu de caméo, histoire de plaire. C'est ça, et puis ils s'embrassent tous, c'est « salut !» Tu fais « oui, c'est bon, arrête !» Mais ouais, ok, vous êtes une grande famille, vous connaissez tous. C'est ça. Super. Mais jusqu'au bout... Vraiment jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il révèle à Caris quand il vient au churrasco, enfin au chichasco, je crois, à la fin, comment ils ont pu magouiller pour que ils puissent récupérer le joueur qui l'a débauché. Je me suis dit, mais c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire, en fait? Je comprends pas, parce que de base, Gérard Lanvin vient parce que le fils de Didier Bourdon veut devenir agent et il veut faire un truc carré, machin. Et en fait, après, les arcs n'avancent plus. C'est toi, on sait que tu vas faire ça, Et il n'y a plus rien qui avance. Il y a juste la relation entre Didier Bourdon et Gérard Lanvin qui avance un petit peu, mais sinon, il n'y a rien, il se passe rien, parce que il se voit deux fois, Manu, donc Paul Deby et Caris, ils se voient deux, trois fois. La relation avance pas, il y a rien qui avance, c'est juste ouais vas-y tu me files ton joueur, ok d'accord cool tiens, et puis il se rend compte qu'il s'est fait enfler, quelle surprise. Non, Isabelle Nanty, il y a rien qui avance, en fait ouais c'est juste le film de Bourdon et de Lanvin, il y a pas d'autre chose. Et c'est maigre pour tenir un film d'1h40, c'est pour dire je vais montrer que le foot il a changé. Pour au final ne rien mettre dedans, puis montrer que les agents, effectivement, avant l'agent il allait voir le footballeur directement, là potentiellement même Caris il a une toile, des scouts, il a des scouts, et puis il paye ta gueule les scouts, oh la vache, fou. Ah bah oui. Mais par contre, ce qui m'aurait fait marrer, c'est si Isabelle Nanty s'était mangée une beigne, elle se serait mangée une patate du Seigneur, je pense que j'aurais rigolé. Parce que il apprend un partout comme ça. Et tu la touches pas, c'est une daronne. Mais laisse-le faire. Laisse ton ami faire. Rigolons un bon coup. Non, mais il y a quand même cette happy ending où finalement le restaurant est transformé en bar à chicha quand même. Hein, Mais parce que c'était un rêve, parce que tous les jeunes veulent y aller. Mais quelle est ta lecture, quelle est ton analyse de la jeunesse de maintenant, Fabien? Mais tu n'as jamais vu un jeune. C'est fou. Ou peut-être par le prisme d'une pub de La Poste, je ne sais pas. Après, tu me diras, moi j'ai ouvert un ALS, un centre de loisirs bar à chicha, voilà. Ça fonctionne. Bien. Ça fonctionne. Ça marche. Ça fonctionne. Ouais. Putain. La semaine prochaine, on fait du stand-up avec Redouane Bougueraba, ça. Oh l'enfer. L'enfer, Fabien, bordel. Chicharasco. Ah, le chicharasco. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais il n'y a rien qui va en plus là-dedans. Non, soirée karaoké, du... c'est toujours les mêmes habitués. Et le seul truc que Gérard Lanvin trouve à redire, c'est « Non, mais c'est à cause de ta sauce. Le lendemain, le mec, il va pas revenir parce qu'il sera mort. » L'enfer. L'enfer. T'as l'impression que en fait, il doit avoir une sorte de mixeur, tu sais, dans lequel il met les blagues, il les mélange et puis il les ressort à chaque film parce que dans Camping c'était pareil quoi, tu vois. Tu sais, à un moment il y a plus de Benko, c'était pareil quoi. Je crois que c'est un épisode de, oui c'est un épisode, ça me fait penser à l'épisode de South Park où il y a des lamentins qui écrivent les épisodes des Simpsons, je crois. Ou des griffins, je sais plus. Il y a un truc comme ça où en fait ils se rendent compte, les gamins, ils se rendent compte que c'est des lamentins avec des ballons où il y a des mots clés dessus qui font le scénario des griffins parce qu'ils trouvent que c'est nul à chier. Et ça me fait penser à ça. Là en fait c'est juste des animaux qui viennent, qui apportent des petites billes à Fabien Antoniente. Il fait dans un camping. Ok. Ok, Franck Dubosc, ok, vas-y. Un personnage bougon. Je vais appeler Gérard. Je vais appeler Gérard. Parce que tu regardes Camping 1, 2 et 3, ouais. C'est pareil, c'est la même chose, ouais. C'est toujours des personnages. Ah mais non, c'est... Bing, bing, bing, bing. Ouais, non. Mais... Oui, avec tous les personnages qui reviennent autour, de l'un à l'autre, qui gravitent autour, et qu'ont les mêmes problèmes, quoi. Enfin, c'est ça, juste plus exacerbé ou un peu moins, ou ça se résout, mais... En gros, ouais, conclusion. Ça manque d'inventivité, tout ça. Conclusion, tous les films de Fabien Antoniente sont les mêmes. Regardez-en un, ouais. Vous avez tous vu. C'est juste le monde qui diffère, parce que... Camping, ça se passe dans un camping. Jet Set, ça se passe dans le milieu de la Jet Set. Jusque-là, c'est assez subtil. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein. All Inclusive, ça se passe dans des villages vacances. Voilà. 3-0 et 4-0 dans le monde du foot. Ouh louloul. Oh, c'était dur à... c'était dur à anticiper, ça. Mais... Ouais, c'est... fatigant, quoi. Ouais. Fatigant de non-inventivité, en fait. Mais là où ça me rassure, c'est que on vient de faire le constat, on a fait le constat aussi que on avait vu quasiment tous les films de Fabien Antoniente. Ouais. Donc ce qui veut dire qu'on n'y reviendra pas forcément. Eh ben si. Non, Tom, c'est non. 100% bio. C'est un téléfilm. 100% bio, c'est un téléfilm. Je sais que tu veux faire un bourdon bourbon, mais c'est non, pas 100% bio, c'est un téléfilm. Ce n'est pas un film. Ce n'est donc pas une comédie française. C'est non. Ah la vache, non, 100% bio, c'est non, putain. Et tu vois, on voit Antonin Fourlon, il n'a pas été chercher bien loin... l'inspiration dont il avait besoin pour Chasse gardée, hein. Bah... Et pourtant, Chasse gardée est quand même bien mieux que n'importe quel film de Fabien Antoniente. Oui, mais parce que là, Antonin Fourlon, on est d'accord que c'était le réel de Chasse gardée. Oui. Là, il est que au scénar. Donc voilà. Oui, après... oui, mais ça veut dire qu'il a. Oui, mais scénar, il a travaillé avec Antoniente sur le scénar. Et je, à mon avis, je pense qu'il était sur le tournage. Autoniente. Il a assisté, c'est Non, Fourlon. Ah non, Fourlon. Il a assisté au, au tournage de 4-0, à mon avis. J'ai vu aussi que dans le scénario, ils avaient été aidés d'un mec, alors j'ai plus son nom, et de Paul de Saint-Cernin. Le mec qui fait des blagues chez Léa Salamé. Oui, tout à fait. Puisque c'est un footballeur de base, Paul de Saint-Cernin. Au départ, le projet était de lui aussi. Et il devait même y avoir Karim Benzema, oui, en fait. Oui, bah ouais, c'est ce que j'ai vu. En personnage principal, et puis ben, il a complètement disparu de la circulation, et d'ailleurs personne ne sait pourquoi finalement il n'était pas partie prenante dans le truc. Bah, c'est ça, parce que j'ai vu sur certaines infos que justement le film de base, c'est l'agent de Karim Benzema qui avait contacté Tony Ente pour lui dire vas-y, fais un film avec Karim. Et en fait, tu fais bah ok, Paul Pogba, ok, il y a les joueurs du PSG, mais il n'y a pas Karim Benzema ? Il n'y a pas ? Totalement disparu dans un an avant la prod et tout, voilà, plus du tout partie prenante dans le truc. Ouais, comme quoi, hein, tu vois, c'est dommage, bouge, vraiment. Ça bouge beaucoup. Ah oui, dis donc, qu'est-ce qu'on a raté, putain. Ouais, c'est... parce que je pense que Karim Benzema, bonne marade quand même. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, voilà. On a fait le tour. On va pas se mentir. On va pas se mentir, hein, des épisodes où on n'a rien à raconter, on en a déjà fait, et on est quand même plutôt pas mal, je trouve, là, en termes de timing. Ça fait, non, ça fait 40 minutes qu'on lâche notre fiel, on est pas mal. C'est ça. Mais à un moment, quand c'est mérité aussi. Oui, c'est clair. Faut le reconnaître. Faut arrêter avec les conneries. Alors Flo, on se repose la question quand même, c'est la tradition, désolé, même si on a divulgâcher nos auditeurs dès le début de l'émission. Est-ce que tu as trouvé ça drôle, vraiment ? Eh ben, retourner au début de l'épisode, non, bien sûr, j'ai pas trouvé ça drôle, c'était nul, il y a pas d'histoire. Comme je disais, je parlais du mixage son, mais l'acting est désastreux aussi, à part Didier Bourdon, qui est vraiment, lui, en roue libre, je pense qu'il s'est dit, viens, je vais essayer des trucs, mais sinon, tous les autres ont la même gueule tout le temps, même Chantal Lobby. Tu fais Chantal Lobby, non, pas du tout. Isabelle Nanty, pardon. Tu fais. Bah non, t'es nulle là, Isabelle, vraiment, tu ne sers à rien. Donc j'étais atterré et j'avais vraiment très très très envie que ce moment de visionnage s'arrête. Sauf que ça avançait, je disais non, j'arrive pas à voir. Et pour une fois, je me suis dit, ne regarde pas la barre de temps, parce que tu vas encore voir qu'il y a que 20 minutes de film qui se sont passées, alors que toi, t'as un ressenti de 8 heures. Donc je l'ai pas fait, mais. Oh, non, il y a rien à sauver. Et même Jet Set 2 était meilleur. Il y a une chèvre sous amphétamine. Voilà. Et il y a José Garcia déguisé en Iron Man, ça me suffit. Oui. Voilà, pour comparer, vraiment. Et toi, Tom, est-ce que tu as trouvé ça drôle, vraiment ? Et évidemment que non. Je vais même pas parler de rire, évidemment. Mais ça m'a même pas arraché un rictus à aucun moment. Tu vois les moments où il se dit « Tiens, je vais essayer de faire rire là ». Et tu te dis, mais mec, c'est raté, quoi. Parce que même Gérard Lanvin, qui est bougon, qui fait la gueule tout le temps, il s'essaye à des blagues et tu fais, pourquoi ? C'est pas toi, c'est pas le personnage, donc arrête ! Je veux pas, mais... Au moins, le ballon est toujours rond. Eh, monsieur Jiffy, des génies, ta gueule, Gérard. Oh, je vais te mettre mettre une patate dans la glotte. Et puis deux fois, ouais, au cas où tu l'aurais pas compris la première. Mais ce qui est bien, c'est que Fabien Antoniente, j'ai l'impression que des fois, il se rend compte de ça. Parce que la deuxième fois qu'il le fait, au personnel d'accueil de la Fédération Française de Football, et elle regarde, font « Ah oui, non, mais on a... » « Ok, boomer !» On a compris, voilà, super. Mais si tu sais que ta blague est nulle, c'est pas de l'humour de malaise, ouais. C'est juste, tu sais, ta blague, c'est de la merde. Désamorcer de façon malaisante sa propre blague dans son propre film, c'est un niveau génie. Méta, mais tellement what the fuck. Ah, ouais, incroyable. Franchement, The Office, inspirez-vous, hein, les gars, parce que voilà. L'humour malaise chez nous, il est costaud. Hein. Répasse ça, Steve Carell. Non, mais waouh. Bon, eh bien, nous allons fermer la parenthèse ontonienté. Pour cette fois. Non, pour toujours. Tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, Et est-ce que tu as réfléchi à un film que nous allons chroniquer donc pour la mi-décembre, Nous sommes mi-novembre. Effectivement, donc ce sera une spéciale entre guillemets Noël, on peut dire. Ah, voilà. Ouais. Donc je te propose de regarder un film qui est sorti l'an dernier, voilà, et qui s'appelle Les Cadeaux. C'est Cadmera. Ah non, c'est pas Cadmera. Chantal Lobby, Gérard Darmon, Camille Lelouch, Max Boublil. Ah oui. et au scénario, on retrouve Stéphane Kazandjian, qui est le réal de Bad Buzz. Voilà. Qu'est-ce qui peut pas bien se passer? Tout ce qu'il faut pour la Noël. Ouais. Alors j'ai entendu parler de ce film. Je crois que j'ai vu la bande-annonce. Et je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, donc je te l'enverrai sur ton drive. Ah, parce qu'il n'est pas facilement trouvable. Je sais pas s'il est facilement trouvable ou pas, mais comme il est sorti que l'année dernière, je me suis dit, des fois, comme c'est un film qui est un peu passé inaperçu, des fois ils l'ont pas forcément. Donc je vais voir juste avant. Je suis allé voir juste avant l'enregistrement. Il y est, on peut l'avoir. C'est ok. Voilà, donc les cadeaux. Je l'avais noté dans ma liste de films de Noël qu'on fait une fois pour par les an babies. Avec les baby graveurs. Ouais. Ouais. Donc il était pas dans la liste qu'on allait alors qu'on fera finalement pas ce Noël là pour des raisons pratiques, mais il fait partie de ma liste de films de Noël à traiter, à chroniquer un jour dans notre épisode du 25 décembre. Après j'avais d'autres films, mais je me suis dit non, les cadeaux, parce que sinon il y avait aussi les boules de Noël ou je sais pas. C'est... Il y avait les boules. Ah, c'est avec Cadmera, c'est ça. Oui, c'est celui-là avec Cadmera. Ouais. Donc non, j'avais prévu de te gâter, t'inquiète pas. Le petit cadeau parfait, au pied ça. Du sapin, il sera très très bien. Avant de se quitter, les petites actus peut-être. Donc nous sommes le 15 novembre, un épisode des Baby Graveurs est sorti début novembre, et nous avons chroniqué, j'essaie de me souvenir, nous avons chroniqué le film Grâce à Dieu, qui n'est pas une comédie, bien au contraire, François Ozon, sur les questions de prêtres pédophiles dans le diocèse de Lyon, tu vois. Très très bien, un bon film feel good pour bien terminer. Pas feel good, mais bon film, effectivement. Ouais. J'étais un petit peu dubitatif avant, parce que le sujet est casse-gueule, mais François Ozon s'en tire plutôt bien, les acteurs aussi. Franchement, c'est pas mal du tout. On a été plutôt agréablement surpris de la qualité du film. Voilà. Très bien. Et toi, Flo? On a eu un petit souci internet pour date de sortie. Enfin, j'ai eu un petit souci internet. Donc, on avait commencé à enregistrer là en début de semaine pour l'épisode qui devait sortir le 1er novembre. Bon, on va avoir un peu de retard et ce sera le 1er décembre, je pense, puisqu'on n'a pas réussi à se caler avant. Ou courant novembre, on verra. Ou courant novembre, voilà, on verra. Je pense qu'il faudra qu'on va mettre une com sur tous nos réseaux, parce que effectivement, certains vont se demander, ils y vont. Ben oui, on est très attendus, donc. Et oui, c'est ça, par au moins, au moins la population de Poitou-Charentes. Donc c'est au moins 50 personnes. Facile. Et l'autre projet sur lequel j'ai commencé à vous en parler, je pense que on va caler une date avec Jess et avec toi pour enregistrer ce premier épisode et voir un petit peu comment ça va pouvoir se faire. Mais on fera ça avant Noël. Du quiz, effectivement. Du quiz. Ok. Et qui sortira sûrement janvier, février. Je sais pas. Je pense que je vais enregistrer plusieurs épisodes d'avance. Comme avant ça, de moi, avant je de serai, lancer le truc, j'aurai, ouais. J'aurai un petit matelas si je perds un peu de temps pour pouvoir me rattraper. Ok. Donc voilà. Bon, impeccable. Eh bien, il ne reste plus qu'à se dire au revoir. Oui. Et au mois prochain, avec les bras